ce BAM. C'est toujours pour un âme, ce rêve intouchable. Quel frôle. Corbetti se paume. C'est toujours pour un homme, un beau macho tordu qui la cogne. Il faut dire que Betty n'a rien d'un top model ou d'un sexe symbole. Quand Betty se donne, c'est toujours pour un âme, un bellâtre plein aux as, ignoble. Quand Betty se tanne, c'est toujours pour un âme, à la chevelure blonde de l'ange. Il faut dire que Betty n'a rien d'un top model ni d'un sexe symbole. Betty a le cœur gros et des mains boudinées, mais le cœur sur la main. Se donne, c'est toujours pour un âme, un bellâtre plein aux as, ignoble. Quand Betty se paume, c'est toujours pour un âme, un beau macho tordu qui la cogne. Faut dire que Betty n'a rien d'un top model ni d'un sexe.